La promesse continue dans les générations. Rebecca porte un combat intérieur. Deux enfants luttent dans son ventre comme deux avenirs en tension de douleur. Tu réponds, deux nations sont en toi. Deux voies, deux choix, deux destins. Et déjà la grâce annonce que l'ordre humain ne sera pas le tien. Ce n'est pas l'aîné, mais celui que tu choisis. Tu choisis selon ton cœur et non selon nos premières places. Tu élèves ce que l'homme néglige et tu confonds nos classements de surface. Tu choisis selon ton cœur et ta volonté ne tremble pas. Car même avant notre naissance, ton appel parlait déjà. Jacob saisit ce qui ne lui appartenait pas. Deux chemins s'ouvrent dans un même sang et l'histoire commence à se séparer là. Et Abraham est réuni à ses pères, sa vie se ferme dans la paix. Mais la promesse marche encore dans ce qui reste après. Tu choisis selon ton cœur. Tu choisis selon ton cœur. Tu choisis selon ton cœur et non selon nos premières places. Tu élèves ce que l'homme néglige et tu confonds nos classements de surface. Tu choisis selon ton cœur et ta volonté ne tremble. Car même avant notre naissance, ton appel parlait déjà. Ta promesse traverse les générations.